n'était qu'un balbutiement. Rien de marqué dans le ciment. Je ne gravais rien dans le marbre. Je rêvais juste sous mon arbre. Ce n'était rien, n'existait pas. Ça faisait pas ses premiers pas. Ça n'était pas sur les frontons. Simplement ça cherchait le ton. Ça bourgeonnait d'un goût nouveau. Ça s'habillait des premiers mots. Qu'est-ce au juste, je l'ignore. Et je me le demande encore. Ce n'était pas une avenue, juste un petit chemin nu. C'est par là que tu es venu, par là que tu as ma main tenue. Ce n'était qu'un balbutiement, rien de gravé dans le ciment. C'était comme un collier de vent que l'on met au cou des vivants pour les duper avec des riens. Un petit cadeau de vaurien, mais je l'ai mis autour de ton cou. Ce petit rien a fait beaucoup. Ce n'était qu'un balbutiement, rien de gravé dans le ciment. C'est devenu grand comme un arbre, et c'est toujours pas dans le marbre.